Barret, je vous laisse la parole en dernier. Merci. Donc, merci de m'avoir invité. D'abord, c'est toujours un plaisir de venir vous dire bonjour. Et puis, merci aux agriculteurs surtout, parce que ils nous ont montré qu'en fait, on pouvait changer de chemin, on pouvait choisir un autre chemin. Et je pense que c'est un message important, parce que peut-être sans s'en rendre compte, ils répondent en fait à une nécessité, parce qu'il est nécessaire que l'on change de chemin, parce que non seulement il y a des crises économiques qui nous attendent, on en a vu déjà une marque avec la crise de 2009, et on nous l'a dit tout à l'heure, ça va revenir, mais aussi une crise écologique majeure, et c'est à cause de cette crise écologique qu'il faut changer de chemin. Et je pense que quand vous avez dit qu'il y avait une importance du collectif, vous faites aussi œuvre pour le collectif. Et je pense qu'il faut voir ces deux dimensions, elles sont essentielles pour moi. Réfléchir à un chemin, ça veut aussi dire évaluer, choisir. Et on parle aujourd'hui d'évaluation. Pourquoi est-ce qu'on évalue ? Moi, je suis généticien de formation. Pourquoi est-ce qu'on évalue des taureaux ? Pourquoi est-ce qu'on évalue des blés, etc. Mais on évalue pour après poser un choix. Eh bien, alors, il faut se poser la question de quel est le choix devant lequel nous sommes ? Eh bien, ce choix, il est à la fois dicté par ces éléments de crise écologique, économique. Il est aussi en partie dicté, et on en a beaucoup parlé, et ça m'a frappé, par la question des échelles. Si vous conduisez un paquebot, il y a intérêt à bien choisir votre trajectoire, parce que quand il coule, ça coûte cher. Si vous conduisez des exploitations qui font 3000 ou 7000 hectares, j'espère que les gars, ils ne sont pas plantés en posant leur choix. Parce que moi, si Olivier se plante avec ses 24 vaches, bon, c'est le problème d'Olivier, à mon avis, ce n'est pas trop grave. Si on se plante avec 7000 hectares, si on se parle avec 7000 hectares, d'un point de vue de la collectivité, à mon avis, c'est plus embêtant. Et donc, vu la taille à laquelle on fait l'agriculture, pour moi, il faut bien poser ses choix. Et la deuxième raison pour laquelle il faut poser ses choix, c'est en fait que, contrairement à une certaine illusion qui court dans le monde, je n'ai pas compris d'ailleurs pourquoi cette illusion parvient si facilement à se maintenir, tout n'est pas possible. On n'est pas dans un monde où tout est possible. Et donc, il faut choisir où on met notre argent, il faut choisir où on met notre énergie, notre intelligence. Et donc, si on ne pourra pas mettre notre argent et notre intelligence dans tout, il faut se donner les moyens de bien choisir. Donc, pour moi, c'est la troisième raison pour laquelle il faut faire les choix. Alors, une fois qu'on sait pourquoi, on peut se demander comment. Pour moi, je vois trois dimensions. Comment ? La première, c'est d'être explicite. C'est de dire, je vais évaluer, je vais prendre des critères d'évaluation et je vais les assumer. Et ne pas rentrer dans cette logique un peu dangereuse, je pense, qui est celle de la justification a posteriori. On prend un peu n'importe quel critère et puis après, on trouve toujours un moyen d'expliquer que c'est durable, que c'est bon pour l'environnement, que c'est bon pour la santé et tout. Si on prend les critères au sérieux, eh bien, choisissons des critères, appliquons ces critères. Alors là, peut-être que ce n'est pas l'agroécologie qui va gagner. Moi, je m'en fous, en fait, de savoir si c'est l'agroécologie qui va gagner ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on ait des critères qui soient pertinents par rapport aux défis qui nous attendent. J'ai l'intuition que l'agroécologie va gagner. Et c'est pour ça que je demande qu'on fasse une évaluation sérieuse, parce que j'aimerais autant savoir, puisque moi je m'investis dans cette voie-là, j'aimerais autant savoir si cette voie-là est la bonne, pour ne pas perdre mon temps. Et donc, je pense qu'on a à gagner à faire une évaluation intelligente sur des critères explicites. À faire une évaluation aussi cohérente par rapport aux enjeux, ça c'est la deuxième chose. Et troisièmement, et on en a une belle illustration aujourd'hui, on gagnerait à faire l'évaluation avec les acteurs. Pour deux raisons. Parce que les acteurs, ça nous permet d'avoir un raccourci. Ça nous permet d'éviter de rentrer dans des trucs très complexes au niveau calcul, etc. Parce que les acteurs, ils le vivent directement, donc ils peuvent directement nous donner un retour sur ce qui va se passer. Et la deuxième chose, parce que je pense qu'une des propriétés importantes de nos systèmes, puisque l'horizon n'est pas clair, moi je ne veux pas vous dire que je sais exactement où on va, et donc il faut, ça c'est un truc d'écologiste, de biologiste, si vous avez un horizon pas clair, ce qu'il faut c'est de la diversité. Et donc on est de toute façon dans des systèmes où il faut maintenir une diversité d'acteurs, et donc on n'aura pas un seul critère, on n'aura pas une seule grille qui va classer le meilleur et le moins bon comme on fait avec les taureaux. Hein, je peux vous parler longuement de la diversité des taureaux, mais je peux vous dire qu'en France, il vous reste moins de 30 vaches en diversité génétique dans les élevages laitiers. Moins de 30 vaches. Donc, c'est effrayant, quoi. Et donc, il faut maintenir cette diversité. Les deux dernières choses que je voudrais vous dire, elles concernent d'une part deux éléments de verrouillage qui me semblent importants. La première est autour des savoirs, on l'a dit. Je pense qu'il y a un grand enjeu au niveau des savoirs. On nous a dit qu'il y avait du conseil technique qui n'était pas approprié par rapport aux trajectoires que les agriculteurs qui sont aujourd'hui, qui sont représentatifs de beaucoup d'agriculteurs, aux trajectoires qu'ils ont choisies. Et donc, je pense que si les savoirs sont verrouillés, qu'ils ne sont pas dans la bonne direction, c'est très grave parce que les savoirs, normalement, ils devraient être en avance sur l'action. Donc, je pense qu'il est temps de créer de la diversité dans nos savoirs par principe. Donc, si aujourd'hui, il n'y a pas assez de savoirs en agroécologie, par principe, on doit nourrir cet animal qu'on n'a pas nourri jusqu'ici. Première chose. Et le deuxième verrouillage, à mon avis, il est autour du sens. Du sens. Alors, on nous a dit, on veut faire un métier qui a du sens. Moi, je pense qu'il y a un autre élément où c'est important qu'on retrouve du sens, c'est dans le sens du progrès. Qu'est-ce qu'on appelle progresser ? Qu'est-ce qu'on appelle être moderne ? Pour moi, de tous les papiers que j'ai lus, être moderne au XXIe siècle, c'est se rendre compte que les enjeux sont devenus multiples, que les enjeux ne sont plus ceux du XXe siècle où c'était simplement du rendement et de l'économie. Mais les enjeux du XXIe siècle, c'est de l'économie, du social, de l'environnemental. Eh bien, si c'est ça, il faut redéfinir le progrès par rapport à ces enjeux-là et arrêter d'avoir une définition du progrès qui date du XXe siècle, qui pour moi ne fait pas sens. Je termine en disant qu'en fait, pour moi, et le mot a été prononcé, j'en suis très heureux, l'important, c'est de donner légitimité à ce qu'on a entendu aujourd'hui, par les savoirs, par le discours qu'on tient, par le soutien qu'on donne à ces trajectoires. Et donc, pour avoir cette légitimité, pour moi, il ne suffit pas de produire autrement, parce qu'on ne va pas avoir une légitimité uniquement par les pratiques, mais il faut aussi penser autrement, penser l'agriculture autrement. C'est ça qui va nous permettre, en fait, de rendre légitimes les trajectoires qu'on a vues aujourd'hui.